sera ton avocat devant Dieu et ses anges. Quelle est ta position, oh toi, mon frère? Quelle est ta position, oh toi, ma sœur? Si ta vie est souillée, ils seront dessus, oh, oh, oh. Qui sera ton témoin devant l'éternel Dieu? Qui sera ton témoin devant l'éternel Dieu? Oh, oh. Qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? Tu fréquentes les bars climatisés et tu offres ton corps aux gens. Sache ma soeur qu'un jour tu seras jugé par ton Seigneur et ton Sauveur. Alors qui sera ton témoin devant Dieu et ses anges? Qui sera devant Dieu et ses anges? C'est vrai que tu es chrétien, tous les dimanches tu vas à l'église. Mais si ta vie est souillée, vraiment Jésus sera déçu. C'est vrai que tu es très beau, toutes les filles courent après toi. Mais si ta vie est souillée, vraiment, Jésus sera déçu. Yeah. Qui sera qui sera d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup d'habits, partout on parle de toi. Si ta vie n'est pas en règle devant l'éternel Dieu, tout ce que tu as n'est que vanité. Quand tu vois ton frère qui souffre, quand tu vois ta soeur qui pleure, tous ceux qui ont besoin de ton aide, ne les repousse surtout pas, sinon mon frère. Qui sera ton témoin devant l'éternel Dieu? Qui sera ton témoin? Qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? Souviens-toi mon frère, souviens-toi ma soeur, de l'histoire du riche et du pauvre Lazare. La Bible dit, réjouis-toi.